annonçait le début pour Alice d'un temps qui semble s'accélérer alors qu'il s'était ralenti quand elle a dévalé le terrier qui la poursuivre ce lapin. Le temps d'abord ralenti puis s'accélère et en réalité la montre que tient le lapin est arrêtée. On voit d'emblée qu'on est projeté dans un univers temporel à triple dimension, Ali Ben Maclouf. Ah oui, c'est le voyage onirique qui va dissoudre totalement les connexions coutumières, les habitudes, notre manière d'inscrire dans la coutume tout ce qui nous semble aller de soi. Et là, ce voyage qu'elle fait va effectivement être d'abord une accélération du temps, accompagnée d'une perte de la pesanteur. Ça, c'est très important. Puisqu'elle tombe dans ce terrier sans se faire mal. Donc la qualité première des corps disparaît et c'est un élément essentiel pour isoler en quelque sorte les perceptions, prendre en compte les perceptions, non pas comme nous, dans la manière de les rapporter au passé, au présent, à notre environnement social, naturel. Et il faut, en quelque sorte, prendre le temps de l'émerveillement des perceptions isolées. Et Alice, en effet, vit dans un univers très étrange, en tout cas le temps de ce rêve, puisqu'il s'agit d'un rêve, hein, son voyage, ses aventures au pays des merveilles durent le temps d'un rêve, c'est-à-dire à une temporalité qu'on ne peut pas vraiment réduire au chemin que tracerait l'aiguille sur un cadran, ni à un décompte quel qu'il soit. Les connexions semblent complètement illogiques, absurdes. Je parle non seulement des dialogues qui ne font pas sens la plupart du temps, ou en tout cas qui jouent avec le sens que l'on connaît, mais également les enchaînements d'un endroit à un autre, d'un personnage à l'autre. La temporalité et même l'espace en tant que tel sont ceux du rêve, sont complètement oniriques. Et pourtant, Ali Ben Maclouf, dans votre livre, L'identité, une fable philosophique, vous montrez en quel sens cette fiction, cette fable, qu'est Alice au Pays des Merveilles, nous permet de ressaisir une pensée de l'identité, et une identité bien réelle, bien à nous. Donc comment comprendre ce détour par la fiction, par le merveilleux, pour expliquer ce que nous sommes ? Ah oui, effectivement, on est très très loin des crispations identitaires avec Alice. Et ce qui m'avait fasciné, c'est justement tout le jeu avec la métamorphose, puisque à un certain moment, la chenille lui dit « Qui êtes-vous ? » Et bien évidemment, Alice dit « Je suis passée par tellement d'états, j'étais grande, j'étais petite, que maintenant je ne sais plus. » Et la réponse fuse « Mais c'est tout à fait naturel, regardez-moi, chenille, chrysalide, papillon. » Tout va être pris dans la métamorphose et cette accélération du temps est véritablement importante pour se rendre compte qu'en fait, quand le temps n'est pas accéléré, nous pensons que les choses ne changent pas, alors que les modifications sont lentes mais non moins réelles. Et donc, en fait, on radicalise quelque part cette question de la métamorphose juste pour se rendre compte de ce qui nous arrive dans notre espace. Temps coutumier, qui est pourtant si peu physique, comme le disait Einstein. Oui.